Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan sont fiers de vous présenter les palmarès C'est fou. Directement des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, voici les palmarès C'est fou! Bonjour et bienvenue à cette édition des Palmarès C'est fou pour la semaine du 12 au 18 juin 2009. Je m'appelle Mathieu Plante. On va passer 3 heures ensemble à écouter un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. On se rappelle que la semaine passée, nos numéros 1 étaient du côté francophone Standing Waltz avec Cité Phosphore et en anglo Surefire Machine avec Paparazzi. Est-ce que ça tient? Il va falloir être avec nous jusqu'à la fin de l'émission dans 3 heures environ pour le savoir. On a des nouvelles entrées cette semaine, 2 seulement. Donc c'est stable, ça veut dire que ce qu'il y a dans le Palmarès, c'est bon en ce moment. Sub est du côté anglophone en 15e. On va commencer avec le nombre, voici des zombies et des fleurs de leur tout nouvel album. Dans les Palmarès, c'est fou au 89.1 FM, c'est la Radio Campus de Trois-Rivières. Il peut obéir et tuer sans devenir fou, monsieur l'aéroporté. Ce qui lui passe par les mains finit dans un trou à se décomposer. Why? C'est fou. C'est malade. 89-1. Mice on the Bomb et Get on the List, l'ancien numéro 4 qui vient se glisser en 14e, 10 places de descente, ça fait mal. Leur album s'appelle Are We There Yet? Avant ça, en 14e francophone, on a entendu le simple de Dan Young et le Cartel, ça s'appelle Compter jusqu'à 3. Dan Young et le Cartel qui va passer par Montréal à l'Absinthe le 20 juin. Avant ça, c'était deux nouvelles entrées en 15e place. Du côté anglophone, il y avait Sub avec Black Gold. C'est un groupe de Saint-Jean sur Richelieu, ça. Et ils vont être en spectacle, ils vont être dans l'éco-fête de Trois Pistoles au mois de juillet. Et avant ça, au tout début, ben, on a entendu Le Nombre avec Des Zombies et Des Fleurs. C'est le premier extrait de leur nouvel album qui s'appelle Ville et Fantastique, qui est disponible depuis la fin du mois de mai. Voilà pour notre premier blog dans les palmarès C'est fou, qui est un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. On s'en va entendre tout de suite les 13e places du côté anglo. Il y a The Novax avec Why Wonder, qui était nouveau la semaine dernière. Tout de suite, voici Mimi Van Der Glo et une pièce qui descend de la 8e, Québec-Canada. C'est fou dans vos oreilles. Mon papa était un bon flic. Et on écoutait Elvis dans le huit-track du Caprice. Et sur la transcanadienne, mon père criait pour la peine. C'est fini le Québec, c'est fini le Canada. L'Amérique n'est pas pleine à force d'envahir le monde. C'est so fort. Et depuis sa caisse, le sac de chip qui baisse. Faudrons t'acheter un barbecue, un set de patio, un lave-vaisselle pour ta femme. Qu'elle fasse encore un peu semblant, qu'elle fasse encore un peu semblant d'être heureuse. C'est fini. C'est fini le Canada. L'Amérique n'est pas pleine à force d'envahir le monde. Oh, Québec. Oh, Canada. Mais on a donc une énergie. Là c'est chaos, c'est chaos, c'est chaos. C'est so fort. Les deux pieds ça caille. Numéro 13. Don't have that fear. The Novak, c'est Why Wonder en position numéro 13, anglophone, ça monte d'une place. C'était nouveau la semaine passée et là, ben, ça monte d'une place. C'est pas beaucoup, mais plus tard, peut-être que ça montera plus que ça. Du côté anglo, on avait Mimi Van Der Glo et Québec-Canada, formation locale. Mimi Van Der Glo, on les adore, mais là, ils descendent de la 8e place. Et c'est certainement pas la première pièce de cet album-là, Radar, I Don't Know Pabarès, et c'est certainement pas non plus la dernière. On va les réentendre, c'est Mimi Van Der Glo. Plus tard dans l'émission, il va y avoir une toute nouvelle capsule de vie dont allons en question. Cette semaine, on commence une nouvelle série sur les arts visuels. Ça s'appelle cette semaine « Lexique des arts visuels, l'attribution ». On se demande à quel moment considère-t-on un objet ou une performance comme une œuvre d'art. Mais c'est après le processus du jeu de l'attribution. C'est vers les 18h15 de vendredi, 16h15 dans la rediffusion du jeudi. Tout de suite, du côté anglophone, la 12e position est occupée par The Decemberists qui descend de 9 places avec « Won't Want for Love ». Mais à l'instant même, là, voici Archigéant. Et en pleine face, ça se passe dans les Palmarès C'est Fou, qui est un condensé de la meilleure musique que C'est Fou à vous offrir. Cela étant dit. C'est ça qui est ça. C'est là, au retour, on écoute Decemberists, Metric, Numéro et le Roi Poisson dans les Palmarès C'est Fou au 89.1 FM. Les Palmarès C'est Fou sont présentés par Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan. numéro 12. Decemberists, c'est Won't Want for Love en position numéro 12 anglophone. Ça glisse de 9 places, malheureusement. Et du côté franco, juste avant, c'était Archigéant et En pleine face. Ça, ça monte d'une place, très, très tranquillement, pas vite. Pour Archigéant, vraiment très lentement. Ah, pas de géant qui a des grandes pattes, mais qui avance pas vite. Quelque chose de genre. On est rendu aux positions numéro 11. Du côté anglophone, tantôt, on va entendre Metric avec Satellite Mind qui monte de la 15e parce que c'était nouveau la semaine passée. Mais tout de suite, voici numéro. Et leur pièce, tout est parfait. Ça monte de 3. C'est dans les palmarès, c'est fou et c'est dans votre radio au 89 FM. Tout est parfait, tout est parfait. Héroïque, pourquoi vivre autrement? Tout est parfait, tout est parfait. Magique, pourquoi vivre autrement? Tout est parfait. Les deux pièces qui sont en 11e position de nos palmarès ici à C'est Fou, ça c'était du côté anglophone Metric avec Satellite Mind qui était nouveau la semaine dernière et là qui monte de 4 places. Avant ça, du côté franco, c'était numéro avec Tout est parfait et ça monte de 3 places. Avant de continuer avec nos palmarès C'est Fou avec les positions numéro 10, je dois vous dire qu'il y a un site web pour aller se renseigner sur les palmarès C'est Fou. C'est le www.unechance.com. Là-dessus, il y a tous les liens des émissions que j'anime, CNX, les palmarès C'est Fou et Kiwan avec la dernière porte à gauche. Il y a plein de balado-diffusion de toutes nos émissions là-dessus. et plein de plaisir et des belles petites photos de nous dans le coin tellement joli. www.unechance.com, je le rappelle. Une chance qu'on a, unechance.com. En 10e position anglophone, on retrouve Winter Gloves avec I Can't Tell You qui monte de deux places, mais tout de suite voici le roi poisson et croque-mort. Toute l'Amérique latine, plus de 200 millions de femmes n'ont jamais connu l'orgasme. La Fédération pour une éducation sexuelle socialement équitable, aussi appelée la FEC, lutte chaque jour pour que les femmes de l'Amérique latine aient accès au plaisir sexuel. Depuis que l'émission Vidons la don la question s'est associée à la FEC, vous pouvez faire une différence. Depuis que le monde n'écoute les Vidons la don la question, la FEC la fait jouir plein de femmes en Amérique latine, c'est malade. Soyez à l'écoute pour une toute nouvelle capsule de Vidons la don la question et le début d'une nouvelle série sur les arts visuels. Cette semaine, c'est l'attribution dans moins de 30 minutes dans vos palmarès. C'est fou au 89.1 FM. Pour l'instant, voici Winter Gloves et I Can't Tell You en 10e position. I gave you the taste. Winter Gloves et I Can't Tell You en position numéro 10. Anglophone, ça monte de deux places. Et avant ça, on a entendu Le Roi Poisson avec Trockmore qui vient de leur premier album, Le Roi Poisson. Et ça monte de cinq places. C'était nouveau. La semaine passée, il y avait beaucoup de choses la semaine passée, de nouvelles cette semaine, seulement deux nouvelles entrées. Je vous rappelle que la semaine passée, le numéro 1 francophone, c'était Standing Waltz avec City Phosphor. Et du côté anglo, c'était Surefire Machine avec Paparazzi. Est-ce que ça tient? Il nous reste environ 2h10 avant de l'apprendre à la fin. Les palmarès, c'est fou! On s'en entendra les 9e positions. Du côté anglophone, c'est Pete Moss avec Boost Babes and Barbecue. Mais à l'instant, tout de suite, voici Marie-Pierre Arthur et Droit Devant dans un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Oh que oui, je le répéterai jamais assez. Ça s'y méprend quand même, c'est pas mal, c'est fou. Bye. Pete Moss et Boost Babes and Barbecue en position numéro 9 anglophone. Ça monte d'une place. Avant ça, c'était Marie-Pierre Arthur et Droit Devant qui montaient aussi d'une place. Et les deux sont là depuis 4 semaines, donc c'est des pièces qui se suivent, on dirait bien, cette semaine. On se quitte pour quelques minutes, mais il y a une deuxième heure qui s'en vient et une troisième plus tard, mais celle qui est la plus proche, il va y avoir entre autres la musique des Violents Cachalots, La Question, Ariel, German Red, Jason Lytle et The Dove. C'est dans la deuxième heure des Palmarès. C'est fou. Kiwan va être là, vous allez être là, moi je vais être là. Ouais, je vais être là, je pense. J'ai essayé. C'est les Palmarès, c'est fou, reste avec nous. Vous écoutez les Palmarès, une présentation de Trois-Rivières Nissan et de Énergie Nissan de Shawinigan. Et bon retour, vous êtes toujours dans les Palmarès C'est fou pour la semaine du 12 au 18 juin 2009. Je m'appelle toujours Mathieu Plante et vous êtes toujours au 89 FM qui est C'est fou, qui est la radio campus de Trois-Rivières, qui est la radio que vous écoutez parce qu'elle passe de la très très bonne musique. Dans les Palmarès, ben, c'est un condensé de cette meilleure musique-là. Fait que c'est pas mal l'émission qu'il faut entendre pour être au courant de ce qui se passe un petit peu à C'est fou. On était rendu en position numéro 8 du côté anglophone. Il va y avoir Gentleman Reg avec How We Exit qui était une nouvelle pièce la semaine passée. Mais avant ça, voici un morceau, on pourrait dire, qui est là depuis 4 semaines. Voici les Violents Cachalots. Et c'est le cover du journal Voir. C'est dans vos palmarès, c'est fou. Et oui, vous aimez ça. On n'est pas des gros stars, c'est qu'on roule pas sur l'or. Y'a pas un Christ de choc qui nous reconnaît dans la rue. On chante des tunes mal propres, on est des crottes sales. Nos tunes se rendent même pas jusqu'à Laval. On remplit aucune salle, pis notre disque qui se vend mal. Nous autres, on souffle les veines de désespoir. Parce qu'on n'est pas plugué, qu'on voudrait bien pogner. Pis avoir notre face sur le cover du journal Voir. Journal Voir. Un gros article sur moi en dedans. Journal Voir. 3-4 copies pour ma maman. Journal Voir. Les dents blanches et souriant. Sur le cover du journal Voir. Populaire, se taper des tonnes de femmes, signer notre contrat payant chez Audiogramme. Avoir la bière payée, même dans le bus de tournée, y'a des roadies pour chauffer pis des factés. Des gros chèques la Socan, numéro 1 saison, pis faire la première partie des Rolling Stones. Lâcher bord de motard, pis jouer à place des ors, passe mettre face sur le cover du journal Voir. Journal Voir. Un gros article sur moi en dedans. Journal Voir. 4-5 copies pour ma maman. Journal Voir. En noir et blanc, très élégant. Sur le cover du journal Voir. Très nouvelle folle et jeune groupie avec les ceintures. N'importe quoi pour être dans notre loge. On jouerait live des shows de TV. On serait VIP. L'industrie serait à genoux pour nous manger le kiwi. On se paierait toutes les chums que notre cash peut acheter. Parce que personne pour endurer nos têtes enflées. N'aura pas une crise de scène. On sera pas populaire tant qu'on n'aura pas notre face au journal Voir. Journal Voir. Un gros article sur moi en dedans. Journal Voir. 4-5 copies pour ma maman. Journal Voir. À gauche un rentre dans le restaurant. Sur le cover du journal Voir. Sur le cover du journal Voir. Un article sur moi en dedans. Journal Voir. 4-5 copies pour nos mamans. Journal Voir. 4-6. C'est bien évident. Sur le cover du journal Voir. When you don't trust what's right in your gut, 20/20 vision. Ashes soaks piss, someone flashes tits. Time to hit the trail, make a break, that's how we exit and we stand. say it's true. I just can't lay back. In fact, it's a habit that can be abused. Acting is it, I will never quit. I gained some convictions in my 20s, hope I never lose my head. Que je serais de l'avis que ce serait le genre de choses que je devrais écouter peut-être un petit peu plus, hein, du Gentleman Rage, parce que c'est vraiment bon. L'album s'appelle Jet Black et la pièce était How We Exit Samon de la 13e à la 8e. C'est à conseiller, ce Gentleman Rage. Avant ça, du côté francophone, on a entendu les Violents Cachalots avec leur pièce sur le cover du journal Voir. Ça monte de la 11e place. Ça fait 4 semaines seulement que c'est là. Il ne reste que quelques pièces avant d'entendre une toute nouvelle capsule de la part des gars de Vidon Adon en question. Ça, c'est une capsule d'humour extrême qu'on diffuse chaque semaine et vendredi soir à 18h15. En rappel, le jeudi à 16h15. Cette semaine, on débute une nouvelle série sur les arts visuels avec eux. Donc, cette semaine, c'est lexique des arts visuels. Deux petits points. L'attribution. Et on se dit, à quel moment considère-t-on un objet ou une performance comme une œuvre d'art? Eh bien, c'est après le processus du jeu de l'attribution. On va découvrir ce que ça veut dire dans une dizaine de minutes. Mais pour l'instant, du côté francophone, voici la 7e place. Et elle est occupée par la question et moi. Et moi. C'est deux et différents. C'est pas le même et, t'sais. Je recommencerai pas là-dessus, hein. Cette blague-là est vraiment pas assez date. Répétez les mots deux fois. Palmarès, palmarès, c'est fou. Prenez une fois, FM. Pour mieux respirer, j'ai claqué la porte qui mène vers toi. Mes vieux souvenirs se sont recyclés en émoi. Il est trop tard. Son regard prend froid. avant de ne plus rien entendre. Santé Canada vous recommande d'écouter Vidon Ladon la question. Une toute nouvelle capsule de Vidon Ladon la question s'en vient dans moins de 5 minutes 29 secondes. Lexique des arts visuels. L'attribution. Mais tout de suite, voici The Doves et Jetstream en 7e anglophone. The Doves et Jetstream en position numéro 7 anglophone, ça monte d'une place. Et avant ça, en franco, c'était La Question avec Et moi qui monte de 2 places. Kiwan vient d'arriver en studio avec moi ici dans Les Palmarès, c'est fou. Salut Mathieu. Salut Mathieu, c'est le Kiwan de Les Palmarès, c'est fou avec Kiwan et Mathieu. Là. On se rappelle, c'est ce Kiwan là. C'est ouais, pas l'autre Kiwan. Non, c'est le même, mais à temps partiel, comme d'habitude. Là. Genre, ouais. Pour l'instant. Ouais. Avant de placoter et de continuer avec de la musique, c'est l'heure de vidéo avant la question. T'arrives juste à temps pour entendre de l'humour extrême. Ben oui, c'était prévu, là. Qu'est-ce qui était prévu? Que j'arrive à temps pour ça. Que t'arrives à temps pour quoi? Ben, je veux pas manquer ça. Vidon là dans la question. Ouais. Vous êtes ici. Bonjour, madame. Vous connaissez ça, vous, les arts? Mais bien sûr. Je suis la réceptionniste de Vous êtes ici. J'entends parler de culture à journée longue, moi. Mais j'aimerais savoir à quel moment qu'un objet ou qu'une performance peut être considéré comme une œuvre d'art. Ah ben ça, c'est une fois que ça a passé à travers le processus d'attribution de statut d'œuvre d'art, ma chère. D'attribution? Oui, d'attribution. Ça se fait par la reconnaissance par les pairs. Vous savez, comme les historiens de l'art, les autres artistes, les critiques. Mais comment ils procèdent pour faire ça? Ben... Il organise un grand jeu. Ah oui? Oui, un grand jeu. Ça vous tente-tu qu'on la vide, la grande question du jeu de l'attribution? Allez-y. Vidons là dans la question. Bienvenue à... C'est-tu de l'art, ça? Oui, c'est-tu de l'art, ça? Le jeu devant public, où est-ce qu'on décide si ce que vous venez nous présenter, c'est de l'art? Ou si ça n'est pas? Notre premier participant, Monsieur Taponneau, on l'accueille. Bonjour. Monsieur Taponneau, qu'est-ce que vous venez nous présenter? Je vais vous présenter des acryliques sur toile. Montrez-nous ça. Ouais, ça... ça ressemble pas à grand-chose. Dites-nous pourquoi c'est de l'art. Ben, en fait, c'est, j'ai voulu faire une réflexion sur l'empreinte, la trace, sur ce qui nous reste, ce qui nous échappe. OK. Allons voir ce que notre public composé d'artistes, de critiques et d'historiens de l'art en pense. Alors, tout le monde, c'est le moment de dire... C'est-tu de l'art, ça? Ben merci, M. Taponneau. Bon, on accueille tout de suite Mme Miron. Qu'est-ce que vous avez dans les mains, Mme Miron? C'est une petite maison que j'ai fabriquée avec des bâtons de popsicle. Ah, vous avez dû en manger des popsicles, Mme Miron, pour faire ça. Ben, au début, j'ai mangé, mais à la fin... J'étais tanné, fait que je m'y faisais fort dans tous les bras. Bon, parfait. Parlez-nous de vos intentions artistiques, là, Mme Miron. Ah, ben là, je sais pas trop quoi dire. Ben, dépêchez-vous, là, Mme Miron. Ben, Ah, malheureusement, votre temps est écoulé. Vous êtes disqualifié. Ah. Puis en plus, Mme Miron, on va vous la sacrer dans les vidanges, votre petite cabane. Merci, Mme Miron. On accueille tout de suite notre prochain participant, M. Petitbout. Ouais, bonjour. Donc, M. Petitbout, qu'est-ce que vous venez nous présenter? Ben, moi, je fais du body art, c'est-à-dire que je teste les limites de mon corps par le biais de la performance artistique. Et comment ça s'articule, ça? Eh bien, je fais ce bruit-là, comme ça, en appuyant rapidement ma main sur mon œil. J'appelle ça des pets d'œil. Et là, ce que je fais, c'est que je fais des pets d'œil tout en tournant sur moi-même jusqu'à ce que je perde connaissance. Voilà. Ben, montrez-nous ça! Monsieur Petitbout, vous gagnez le grand prix, c'est-à-dire de rentrer dans l'histoire de l'art! Wow! Bon, ben, Monsieur Taponneau, Madame Miron, vous êtes pas trop déçus de pas avoir gagné? Ben non, c'est juste un jeu. Non, ça va. Ah, c'est plate pour vous. Écoutez, on avait des prix de consolation à vous donner, mais vu que vous avez pas besoin d'être consolé, ben on vous les donnera pas! C'est tout pour cette semaine, C'est-tu de l'art, ça? Une toute nouvelle capsule de la part des gars de Vidon, là, dans la question. Mathieu Sétonge et Luc Archambault. On commence cette semaine une nouvelle série sur les arts visuels, donc ça va continuer pendant les prochaines semaines. Ça, c'était l'attribution. Vous pouvez aller visiter le www.vidonladon.com pour écouter toutes les capsules de Vidon Ladon. Et même les prochaines, des semaines prochaines qui sont déjà là. Donc, on va avoir beaucoup de nouveaux matériels, si je comprends bien, des gars de Vidon, là, dans la question, prochainement ici au Palmarès. Oui, on est heureux d'ailleurs parce qu'on se demandait, là, qu'est-ce qui se passe avec ça. Hein? Ouais, on est un peu inquiet, mais là, c'est rassurant de savoir qu'il y a du nouveau matériel. Ouais. Et puis, j'ai entendu dire Patrick Masbourian à son émission d'ici la fin de la saison. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu un retour en arrière et que vous êtes ici revient? Je ne sais pas. Ouais. Ah, d'accord. Les rumeurs courent et nous aussi vers le numéro 1 de nos palmarès. C'est fou parce que c'est là qu'on retourne à l'instant, n'est-ce pas? Ben oui, tu m'as indiqué où on est rendu, j'imagine. Absolument, on est rendu aux positions numéro 6 du côté anglophone. Il va y avoir Jason Lytle avec Yours Truly, The Commuter. Mais juste avant, du côté francophone, la sixième franco, oui, donc c'est Ariel et la danse des pans, n'est-ce pas? C'est vrai! C'est vrai. Tu vois, il est arrivé, c'est pour ça qu'il est pas à jour. Ouais, je suis un petit peu mêlé là, mais puis bon. J'y ai pas dit quoi faire, c'est ma faute. Bref. Tout de suite, Ariel. Dans les palmarès, c'est fou! Au 89.1 FM. C'est fou dans vos oreilles! Retour, la musique de White Cowbell Oklahoma et Elephant Stone dans les palmarès, c'est fou. Les palmarès, c'est fou sont présentés par Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan. Numéro 6. Jason Lytle et Yours Truly The Commuter qui montent d'une place en sixième position, Anglophone. Oui, juste avant ça, la sixième franco, c'était Ariel et la danse des pans. Ben oui. Pan. C'était un petit bout, on entend ça, c'était avant la pause, en fait. La pause, Pablo, c'est Terra. Et voilà. On appelle dans le métier. Qu'on pourrait dire. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou, un condensé de ce que c'est fou à le meilleur à vous offrir. Ça veut dire la meilleure musique. On a un top 15 francophone, un top 15 anglophone. On a Vidon dans la question. On a Kiwan et Mathieu. Souvent en troisième ou quatrième position, mettons. À partir du bas. Avant de continuer avec le reste de notre palmarès, qu'est-ce que tu en penses d'aller voir ce qui se passe ailleurs dans le palmarès? Ben, on préfère ça, oui. Je pense que c'est ce qui mérite d'être fait en ce moment. Donc, autre que le top 15 franco et le top 15 anglo, il y a aussi le top 30 des CD, le top 10 électronique, le top 10 lard, le top 3 des disques canadiens. On va commencer par une seule et unique nouvelle entrée dans le top 30 des CD, celle de Sob avec l'album To This Beat. Et le top 3 du top 30 CD de C'est Fou cette semaine, c'est en troisième position Surfire Machine avec l'album Surfire Machine. La deuxième, ça a monté beaucoup, ça a passé de la 11e à la deuxième, Slim Twig et Content. C'est toujours, je crois, dans le palmarès anglophone. Oui. Slim Twig. Et la première position du top 30 CD, c'est Bad for Lashes avec l'album Two Sons. Du côté du top 10 électronique, il y a trois nouvelles entrées. En huitième, Aimata Air Day avec Unter der Linden, barbique au water. En septième, on retrouve Heck ou H-E-C-Q avec Steel Tongue. Et finalement, en troisième, Tony Com avec The Sniper's Veil. Toutes des groupes de la Mauricie, je pense. Ouais, c'est ça, exact. Trois-Rivières. C'est ça, de Trois-Rivières. Très bon, très bon. Les deux premières positions du top 10 électronique de C'est Fou. En deuxième, on a Moderat avec l'album Moderat. Et la première position, c'était en deuxième la semaine dernière, c'est IMX avec Kingdom of Welcome Addiction. Dans le top 10 loud, une seule et unique nouvelle entrée, c'est la position numéro 1, donc je ne la dirai pas. Donc on va faire le top 3 du top 10 loud. En troisième, Queen Search. Avec un drôle d'accent sur le Y. Ouais. Avec l'album American Soldier. En deuxième position, c'est Mastodon qui, après environ 12 semaines en première position, descend en deuxième avec l'album Crack the Sky. Et une nouvelle première position dans le top 10 loud. Et c'est une nouvelle entrée en même temps, ça rentre directement en première. C'est Iron Maiden avec l'album Flight 666. C'est rare que ça arrive, ça doit être vraiment bon ça. C'est quand même très connu, Iron Maiden. J'imagine que tous les amateurs, les émissions de musique loud assez fou devaient être quand même curieux d'entendre le nouvel album, j'imagine, d'Iron Maiden. Donc, c'est sûr que ça se retrouve aussi fort, aussi rapidement. Bien pensé, c'est sage comme parole. Dans le top 3 des disques canadiens, il y a une seule nouvelle entrée. Je vais faire le top 3 complet. Tiens, en troisième, ça descend d'une place, Metric avec Fantasies. En deuxième, ça descend d'une place, donc l'ancien numéro 1, Surfire Machine et l'album du même nom. Et finalement, la nouvelle entrée, elle entre elle aussi au numéro 1, tellement c'est populaire dans les palmarès. C'est Slim Twig avec Contempt encore une fois. Donc si je comprends bien, le numéro 1 du top, des disques canadiens est en position numéro quoi? 2 du top 30 des CD. Est-ce que c'est proche du sommet? On parle de Slim Twig, là, c'est ça? Oui, ben je pense qu'on l'a pas entendu encore dans les palmarès. Puis là, tantôt, j'ai vendu la mèche en disant que ça se retrouvait déjà encore dans les palmarès anglophones. Donc, ça veut dire que ça se retrouve plus haut que la 5e puisqu'on est rendu à la 5e position. Mais quel pouvoir de déduction! Tellement fort, hein? C'est bien ça. Très perspicace. Vraiment, là. Tu m'impressionnes, Kiwan. Et on va continuer de s'impressionner, nous, mutuellement, jusqu'à la fin de l'émission. On va entendre tout de suite les positions numéro 5. Du côté anglophone, on retrouve White Cowbell, Oklahoma, avec Piece of the Action, qui monte la 11e. Mais pour l'instant, on écoute le groupe français Royal Arch avec la pièce Buisson Ardent. Dans les palmarès, c'est fou! 89.1 FM. C'est fou, ça! Fusion dans le mur, tu t'éloignes. White Cowbell, Oklahoma, et Piece of the Action en position numéro 5, anglophone. Ça, ça monte de la 11e place. Et en franco, avant ça, c'était Royal Arch avec Buisson Ardent qui monte de une 6e semaine pour Royal Arch. Tranquillement, pas vite, ça se faufile vers le numéro 1. On l'espère bientôt. Hein? On va tout de suite entendre nos positions numéro 4 du côté anglophone. C'est Elephant Stone avec Bombs Bomb Away. Mais tout de suite, voici Chinatown et Perdre son temps. Au palmarès, c'est fou! Au 89.1 FM. Ah, il était là qui won, finalement, je l'ai pas vu. Hey! Allez! Que c'est bon de perdre son temps, perdre ses nuits, perdre son argent. En 300 instants, je n'ai plus de temps, je n'ai plus d'argent, non je n'ai plus de temps, je n'ai plus de temps. Et je t'attends au restaurant, non je n'ai plus d'argent, je n'ai plus de temps. Vive les bouteilles vides dans les parcs, et qu'enfin le jour se lève sur cet horizon qui m'ébahit, je n'ai plus. Je n'ai plus d'argent, je n'ai plus de sang, je n'ai plus de temps. Et je t'attends au restaurant, je n'ai plus d'argent, je n'ai plus de temps. Vive les bouteilles vides dans les parcs, et qu'enfin le jour se lève sur cet horizon qui m'ébahit. Je n'ai plus de temps, je n'ai plus d'argent. Mais que c'est bon de perdre son temps, perdre ses nuits, perdre son argent, se disperser en 300 instants. Je n'ai plus de temps, je n'ai plus d'argent. Bonjour, ici Kiwan et Mathieu. Les Palmarès c'est fou et vous écoutez Les Palmarès c'est fou avec Mathieu et Kiwan. War with the demons in the air. So bombs bomb away. Bombs Bomb Away. Oui, The White, The... Hey, c'est dur à dire. Elephant Stone, Bombs Bomb Away. Ça fait beaucoup de beats. Ouais, j'aime mieux le côté franco. C'est pour ça, en fait, que j'aime la musique francophone. C'est juste parce que j'aime pas ça dire les noms en anglais, non, c'est pas vrai. Uh-huh. Mais avançant en quatrième, oui, franco, on avait entendu Perdre son temps du groupe Chinatown. Et Chinatown sont en spectacle ce soir même, pour ceux qui écoutent en direct. Ooh. Mais c'est à Montréal, au Lion d'Or. Et puis, ils vont être aussi à Woodstock en Beauce cet été. Woodstock en Beauce. Comme ce qu'on dit en anglais. Tu vois? T'as une pas fait pour prononcer. T'as une face, Mathieu, de festivalier ou de stock en beau, sleepy, là. Tu fais ça, fais ça dedans. Non, ben non. Non? Ben non, c'est super sympathique, un festivalier. Ok, je pensais que c'était une insulte. Dans le fond, c'est un compliment. Ouais. Ben, c'est sarcastique, en fait. Ah. Fallait que tu dénotes le sarcasme quand je te considérais comme un être sympathique. Ok. Tu vois? Bon, maintenant je comprends. C'était pas gentil ce que je te disais, mais c'était envers toi et non pas envers les festivaliers de stock en beau. Non, c'était drôle et je te trouve extrêmement sympathique, Ivan. T'as-tu scrappé ma blague? Ouais. Avec d'autres sarcasmes. Vous êtes dans les palmarès C'est fou, un conseil de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. Il nous reste les positions 3, 2 et 1. On va savoir enfin si nos numéros 1 sont toujours Standing Waltz et Surefire Machine des deux côtés. Ça, c'était la semaine passée. Est-ce que ça tient? Il nous reste quelques secondes parce que c'est les prochains qu'on s'en va entendre. Ouais, c'est ça. Les deux positions numéro 1 de la semaine dernière sont en troisième cette semaine. Donc, du côté anglo, c'est Pavarotti avec... Pavarotti de Surefire Machine. Mais tout de suite. Du côté franco, c'est Cité Phosphore de Standing Waltz. Ouais, c'est ça. Nous autres, la subtilité, le suspense et la bonne animation, c'est 4. Ouais. Vous êtes assez fous, 89.1 FM. Les morts. numéro 3. A picture of glory and of fame, but I don't really give a fuck your problems and your pain. Thought it was a good idea to push me to the edge. Now that I see you're the one that's hanging from that ledge. Up and took me out each and every night. I chew you up and spit you out just to prove I'm right. And I am not a slave to his ways. All those crazy days when I look back, my life was smoky. Hey. Just a country boy, I'm looking for some fun. My whiskey river has run dry. I'm on the run from coast to coast and town to town. Baby, that's my way. If you stick with me, the crazy shit will happen every day. Surefire Machine et la pièce Paparazzi. Oh, position numéro 3 anglophone, ça descend du numéro 1. Et même chose du côté francophone, l'ancienne position numéro 1, Cité Phosphore de Standing Waltz. Mm-hmm. Il nous reste une troisième et dernière heure des palmarès. C'est fou, là-dedans, il va y avoir la grande révélation de nos numéros 1. Est-ce que ce sera du côté anglophone Slim Twig, Bad for Lashes? Je sais pas. Ou Omnicrome ou Yann Perrault. Il reste plus beaucoup de choix, hein. C'est pour faire une charade, mettons là, c'est assez ordinaire. Là. Ça fait pas vraiment un gros suspense, ça. Non, pas trop. En tout cas, c'est à venir dans les palmarès, c'est fou! Oui, restez là quand même. Restez là! Hein. Oui. Vous écoutez les palmarès, c'est fou, une présentation de Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan. Et oui, c'est tout à fait vrai, vous êtes toujours dans les palmarès, c'est fou pour la semaine du 12 au 18 juin 2009. Il s'appelle Kiwan Rajkovchinski. Et lui, c'est Mathieu Plante. Et vous êtes les palmiers. Vous êtes les palmiers. Ça, c'est vrai que vous êtes les palmiers. Regardez-vous avec vos belles petites feuilles sur la tête. Genre, je me dis que vous portez des chapeaux de feuilles juste quand vous écoutez les palmarès, c'est fou, là. C'est pour être cool avec nous autres, genre. Non. On va dire un conseil d'émission pour enfants, mais c'est correct. Ben, c'est comme enfant en forme. Pareil. On danse en mangeant des fruits. Avec Élise Marquis puis Joël Legendre. Joël Legendre, ouais. Ben oui. Le gars du. Tu sais. L'occupation double. Le gars. T'sais. OK, ça va faire. On est rendu au position numéro 2. La deuxième du côté anglophone monte de cette place. C'est Young Hussies avec Slim Twig. Ça, c'est la formation Slim Twig. Et du côté francophone, ça passe à la troisième. À la deuxième, c'est Yann Perrault avec la pièce Le Président danse autrement. Et ça se passe tout de suite dans les palmarès, c'est fou! Au 89.1 FM. Mettez vos chapeaux avec les petites feuilles dessus. Allez, juste pour moi. Tournez la poignée. Ouais, c'est ça. Faites des ronds, puis poignoles. poils subtilement. Le président danse en chemin. Et plus obstacle à chaque instant. T'as tout sa porte de dansant. Plus métaphore que transparent. Le président danse autrement. Si le silence. Kissing jelly, you're a bogey without hurry. Breathing cow. bicycle, cut it off and we'll leave the show. DJ crying on the doormat, people sipping through the mail's like diving bricks, showing up the window, listening home for a little tiptoe, slipping high and climbing high, out beyond the belly down. She kicked up, she kissed me gently, walked home without hurry, living, counting, he can't found it, flashing rain, shook the ceiling, humming all the grass, the bush rustling, tinting on the roof jar in my bathroom, scrubbing, clashing, running out the bedroom, laughing, gather the plate, we let some gold, cutting off and blue swollen. Young Hussies de Slim Twig, ça vient de l'album Contempt et c'est en numéro 2 anglophone, ça monte de 7 places. Et avant ça, on avait entendu la deuxième francophone, Yann Perrault et la présidente danse autrement et on est maintenant rendu au moment tant attendu du palmarès où on dévoile pas tout à fait les premières positions. Non, on ne fait pas ça, jamais. Je peux t'appeler Dan? Ah oui, tu peux, vas-y. Mettons Dan, c'est Kiwan son vrai nom, mais tu sais, Dan c'est cute pour toi, ça te va bien. Y'a pas grand jeu de mots à faire avec Daniel, hein? Non, c'est ça. Fait que tout ce que t'as trouvé à faire, c'est de m'appeler Daniel. Genre. En t'imaginant que ça paraîtrait pas que c'est ça le nom de la pièce qu'on va entendre. Arrête de chialer, moi, Bat for Lashes. C'est le nom du groupe, tu sais? Non? Ok. Du côté francophone, je dirais que Kiwan, tu es partout. Tu es partout, tel un cron. Ça doit être un insecte, quelque chose. Tu es Omnicron. Non? Voici Omnicron et comme à la télévision. Numéro 1, francophone. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou! Au 89.1 FM. Restez là! J'ai mon chapeau et mon fouet, Indiana Jones, jamais pas. Faites face aux héros si ça te plaît, mais tu devras m'arracher le cœur. Patrouilleur de l'espace, mon odyssée n'est pas un mais j'irai dans toutes les galaxies pour déchiffrer le monolithe. À cheval sur le thème de ma voix, pose-moi. Il n'était une fois la vie, globule blanc, prépare-toi. Au Congo ou sur la lune, j'ai mes russes pyramides rôdées. Tous nos dérives, ces fusils n'ont aucune sirène, ne peut m'arrêter. Comme un vieux psychopathe, tu mets traces dans la neige, oui, elle s'arrête, quelle accrochage. Je m'évapore dans mes rêves, cauchemars. Mes potes veulent m'assassiner, mais je continue, c'était juste un air dans un champ d'aérien. Les zombies vont tous dans le même sens, quand tu pars des singes. C'est juste que ma tombe ne sert pas à que tu penses. Bébite en dessous de la taille comme un dreamer, j'attaque le ciel comme un gris. Ta télévision fait caca, attention, je suis un goonies. Désolé, c'est la revanche des nerds. Rencontrons ta télé comme Wayne's World. UHF style. On se rend des Ferraris comme c'est pas si grave. On a eu congé, j'pars en vacances avec Bernie. Lumière politique, tu sens sur les mêmes visages à moitié peint. On fait pas ça pour rien, pour la famille dont j'suis paré. Me suis toujours en ville, au CP peut rien empêcher. Couteau d'indor, mitraillette, même pour prêt à dégainer. Les numéros 1 sont présentés par Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan. C'était les grandes numéro 1 de nos palmarès de cette semaine. Eh bien oui, du côté anglophone, on vient d'entendre Daniel de Bat for Lashes. Et juste avant ça, eh bien, on avait entendu Omicron, mais comme à la télévision. Donc les deux pièces étaient en deuxième position la semaine dernière, puis sont maintenant en première position des palmarès francophones. Des palmarès, c'est fou au complet, les deux côtés. Bon. C'est un peu mêlant quand il y a deux palmarès avec deux positions, une de chaque barre. C'est comme, c'est plusieurs palmarès, mais bon. Bref, voilà qui fait le tour de vos palmarès pour cette semaine, du 12 au 18 juillet 2009. Si vous voulez retrouver le reste de la liste, il faut passer par le www.cifou.ca. C'est le site de la station www.cifou.ca. Maintenant, on va continuer notre émission parce qu'il nous reste quand même pas mal de temps, je trouve. Ben oui, hein, depuis quelques semaines, on est bon. On fait ça quand même assez rapidement. Puis on a beaucoup de temps pour passer du matériel supplémentaire. Oui, ben on aime ça et on sait que vous aimez ça, entendre des choses autres que juste du palmarès dans notre émission des fois. Donc, on va y aller avec une pièce qui est... Ben, en fait, c'est dans le palmarès quand même, mais c'est dans un autre palmarès qu'on n'a pas l'habitude d'entendre très, très souvent. C'est dans le top 30 des CD en position numéro 16 en ce moment. C'est la formation Demon Fear avec leur album Black Square. On va l'entendre à l'instant même. Le morceau Infinity. Ça m'inspire. Ça m'inspire. C'est la première fois, je pense, que ça joue dans les palmarès ou... Ouais. Ouais, c'est ça. C'est pas mal, ouais. C'est ça, hein? Pas mal, ça. C'est tout de suite assez fou. 89.1 FM. Reste là, tantôt, on va entendre quelques nouveautés musicales reçues à la station depuis les derniers jours. Oui. Oui. Fight for La pièce Infinity de la formation Demontier, c'est leur album Black Square. Et là, je lisais sur Wikipédia Demontier, qui s'écrit en fait DD-MN-YYY. C'est un groupe indie, expérimental, canadien. Il vient de Toronto, en Ontario. Ils sont connus pour leur musique abstraite, avec l'utilisation d'instruments non conventionnels et une combinaison de ces instruments-là, ce qui fait changer la signature du groupe et les rôles des membres du groupe. C'est des anciens membres d'une formation qui s'appelait Plant the Bomb et The Viking Club, et un paquet d'autres comme ça, qui se sont ramassés ensemble pour faire de la musique expérimentale. C'est Demontier. Et ça se retrouve sur le top 30 CD des Palmarès C'est Fou cette semaine. En position numéro 16, stable. On va continuer avec une découverte de la part de Kiwan, mon cher ami. Oui, ben en fait, c'est une nouveauté qu'on a reçue cette semaine à la station. Et puis, je t'apprendrai pas ça, Mathieu, mais l'émission Le Poste d'écoute n'existe plus. Ben non, c'est bizarre. Hein? Donc, c'est bizarre. Est-ce que tu veux qu'on en parle ou pas du tout? On peut survoler le sujet rapidement en disant que j'ai écrit un article là-dessus sur le site de l'émission au www.unechance.com, le site qui regroupe les palmarès et Le Poste d'écoute, entre autres. Et puis, ben là-dessus, je vous explique que ben la formule était un petit peu terminée, je trouve. Selon moi, ça valait la peine de retirer ça puis de juste jouer des nouveautés en temps normal comme ça dans les émissions de la grille horaire au lieu d'avoir une émission où on écoute une pile de pas très bons CD par moment. Et puis, je trouvais ça nul à un moment donné de passer de la musique à la botch en justifiant que c'était le concept de l'émission. C'est ce qui me tannait. Donc voilà, www.unechance.com pour en savoir plus. Donc c'est ça, mais finalement, on va continuer quand même à jouer les nouveautés, les nouveaux albums qu'on reçoit. C'est fou ici, sauf que simplement, on fera plus passer n'importe quoi pendant longtemps. On va se concentrer sur ce qui est bon finalement. C'est un peu ça qu'on va faire. Écouter un petit peu à l'avance, ça aide un petit peu, je trouve. Ouais. Donc, c'est ce qu'on va faire à l'avenir. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Oui. On a écouté quelques CD qui sont arrivés cette semaine à C'est Fou et on a trouvé le meilleur parmi tout ça. On en a trouvé quelques-uns de bons, mais on a trié dans le meilleur. Et moi, j'ai quelque chose donc à vous présenter. Le groupe s'appelle Sunset Rubdown. C'est un groupe que je connaissais pas, mais qui est quand même un groupe de Montréal qui existe depuis quelques années, qui ont déjà plusieurs albums, deux EP et deux albums complets. Vous allez sûrement reconnaître la voix en entendant la voix de Spencer Krug, le chanteur de Sunset Rubdown, parce que c'est en fait le chanteur de Wolf Parade, un groupe qui est quand même assez connu. Ici, assez fou, pas tant. Je sais qu'on entend souvent dans l'excellente émission de Mathieu, Le Blanc Hall, la spirale oui. Les jeudis à 18h. Puis ça joue quand même un peu ici à C'est Fou, Wolf Parade, mais de toute façon, c'est quand même connu. C'est un très bon groupe. Wolf Parade, ça ressemble un peu à Arcade Fire. Et donc, c'est ça, c'est un projet parallèle du chanteur de Wolf Parade. Vous allez reconnaître quand même pas juste la voix, aussi toute la facture musicale au complet, parce que ça ressemble quand même beaucoup à Wolf Parade. Et puis aussi, parmi le groupe, fait aussi partie en fait du groupe... une membre du groupe Pony Up, un groupe que j'aime beaucoup, qu'on a fait jouer d'ailleurs il n'y a pas longtemps ici. On a reçu leur nouvel album, Stay Gold. Il est vraiment très bon. Et on va en entendre d'ailleurs dans le prochain bloc aussi. Mais donc, Camellia Wine-Anger qui fait aussi partie du groupe. Et vous allez voir, on entend vraiment les influences des deux groupes, Wolf Parade et puis les petites mélodies un peu mélancoliques là, de guitare et de clavier de Pony Up. Tout ça mélangé ensemble, ça donne ce groupe-là. Donc, c'est vraiment pas des paysans. Si vous êtes fan de Wolf Parade ou de Pony Up, vous serez pas dépaysé. C'est pas un album, un side project, là, un album parallèle que quelqu'un s'est fait là, pour vraiment changer d'orientation, pour faire quelque chose qu'il n'aurait pas fait normalement avec son groupe. En fait, cet album-là aurait pu être un album de Wolf Parade ou de Pony Up. Seulement, il est fait avec quatre personnes différentes qui se regroupent ensemble dans Sunset Rubdown. Et on va en écouter un extrait tout de suite. Ça va être la pièce Paper Lace. Dans les palmarès, c'est fou. Ça va être suivi d'une pièce des deux groupes principaux de tout ce projet-là. Donc, Wolf Parade et Pony Up qu'on va entendre après Sunset Rubdown. Et c'est gratuit et c'est juste pour vous, tout de suite. Juste pour vous. Gratuit. Ça coûte rien du tout. When you go back to your good home. What should be good when you go back to your good home? And when she's done dancing with anyone, she will go back to your good home. She will be tired from loving everyone, but she'll be glad that you're back home. But for now, until you're home, you ran a bus. There was no way you could have known about the things she didn't know she couldn't trust. Oh, sanctuary, oh, sanctuary, oh, oh, for now, until you're home, you ran a bus. There was no way you could have known about the things she didn't know she couldn't trust. Oh, sanctuary, oh, sanctuary, oh, what's in the world? What's in the world? What's in the hearts? Oh, pretty girls, there's nothing left inside the room you filled with lionskins and laurels. Those were good ideas, but they weren't diamonds and pearls. C'était la formation Sunset Rubdown. Oui, avec la pièce Paper Lace qu'on vient d'entendre. Donc, c'est quand même, comme je le disais, c'est vraiment pas dépaysant. Là. On a, la voix de Spencer Krug est quand même assez caractéristique. Et puis, vraiment, on la reconnaît. Là. Tout à fait. C'est bien dit, ça, Kiwan. Bien dit. Et puis, avant d'aller entendre, comme on l'avait suggéré tantôt, du Wolf Parade et du Pony Up, on va écouter une autre pièce de Sunset Rubdown. C'est juste trop bon. Qu'est-ce que t'en dis? Oui, ça va être la quatrième. On va l'écouter, ouais, la quatrième, Black Swan. Tout de suite. Dans les palmarès, c'est fou. Au 89. We'll be right back. My heart is a kingdom where the king is a heart. And my heart is king. My heart is king. And my heart is a kingdom where the king is a heart. And my heart is king. The king of hearts. La formation Sunset Rap Down, leur album Dragon Slayer, on vient d'entendre la pièce Black Swan. Avant ça, il y a eu Paper Lakes. Oui, c'est ça. Tout à fait, c'est vraiment... c'est non, ça. Mais c'est bon. Non, mais c'est bon, t'aimes ça? Oui, j'aime ça. J'aime beaucoup Sunset Rap Down, nouveauté qu'on a reçue assez fou pendant la semaine. Ouais, donc c'est ça. On va essayer à l'avenir de continuer à trier un peu quand même ce qui se fait, puis de sélectionner le meilleur. Là. Puis il y en a d'autres, hein, cette semaine, il y en avait d'autres qui étaient bons. Peut-être qu'on aura le temps tantôt d'en passer d'autres. Je pense que oui. On verra, ouais, sûrement. Ce qu'on va faire là, par contre, c'est continuer dans la même lignée. On avait parlé tantôt qu'on écouterait du Pony Up et du Wolf Parade. C'est ce qu'on va faire dans le prochain. C'est ce qu'on va faire. On va commencer par une pièce de Pony Up qui vient de leur plus récent album. C'était Gold, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est arrivé ici il y a à peu près 3 semaines. C'est vraiment un très bon album. Je l'écoute régulièrement. C'est très, très bon, Pony Up. Mm-hmm. Et on va écouter la pièce Making More Beneath, extrait de cet album Stay Gold de Pony Up. Ouais. Ouais? Ouais. Ouais. Ouais. Non. Non. Non? Non, Kiwan, non. On n'écoutera pas ça. Ça n'a pas l'air d'avoir marché, mon affaire, pantoute. Du tout. Donc, on va plutôt peut-être aller en pause. Mathieu, qu'est-ce que t'en dis? On pourrait faire ça. Oui, on va faire ça. Puis après ça, on va revenir avec du Pony Up et du Wolf Parade. À un moment donné, il va en avoir. Promis. C'est pas mal. Ouais, promets pas des affaires, toi, s'il te plaît. On revient. Les palmarès C'est fou sont une présentation de Trois-Rivières Nissan, Énergie Nissan de Shawinigan. Je vais traduire pour la personne qui a parlé. Les palmarès C'est fou sont présentés par Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan. Oui, vous êtes bien dans les palmarès, c'est fou. Oui, il s'en passe des choses, mais c'est pas grave parce qu'on a du plaisir. Je pense que c'est ça l'important. Puis à un moment donné, tu sais, si t'as pas de plaisir, ou tu sais, c'est comme les Pringles. Une fois que t'en as un peu de plaisir, tu peux plus arrêter. Tu es d'accord avec moi? Oui, tout à fait d'accord. Je m'en passerai plus là, des palmarès. Non, c'est ça, tu fais bien, tu fais vraiment bien. On va commencer tout ça, là, notre bloc de tantôt qui continue, mais qui commence pas vraiment jamais. Ouais, qui est quand même interminable, hein, étant donné qu'on l'étire depuis environ une demi-heure. Genre. On va y aller avec ce que j'ai sous la main. Voici Wolf Parade et I'll Believe in Anything. C'est la pièce qu'on devait jouer, donc c'est la bonne au moins. Finalement. Et un jour, elle commencera à jouer. Ah ouais. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou! Au 89.1 FM. Il se passe plein de choses ici. Nobody knows you. Ah, OK. Vous n'avez pas marre, c'est fou! Au 89 FM, mais c'est présenté par Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan. Pony Up avec une pièce qu'on appelle communément Making More Beneath. Ça vient de leur album le plus récent, c'était Gold. Mm-hmm. T'es d'accord avec moi? Oui. Ouais. Avant ça, on a entendu Wolf Parade avec une pièce de leur album At Mount Zoomer. Elle s'appelait I'll Believe in Anything. Et là, explique-moi encore une fois le lien entre ces deux pièces. Oui, ben c'est ça. C'est deux groupes, Wolf Parade et Pony Up, dont certains membres se retrouvent au sein de la formation Sunset Rock Rubdown. C'est qu'on ça qu'on a entendu plus tôt, qui faisait un peu partie d'un bloc, si on veut, le poste d'écoute. En fait, c'est un peu une pièce, disons, extraite du concept poste d'écoute. En fait, puisque c'est une nouveauté qui est arrivée assez fou et qu'on écoutait pour la première fois ici live comme ça. On en a écouté deux pièces et c'était très bon. Donc, on a continué un peu à trier. On n'a pas juste écouté ça cette semaine. Non. Toi aussi, t'as écouté des nouveautés cette semaine, et puis t'as trouvé quelque chose qui était pas si près parmi tout ça, parce que là, on a enlevé le superflu, on a enlevé ce qui était vraiment pas très bon. On a enlevé le poste d'écoute au complet, finalement. On a gardé, non. Je blague. c'est de l'autodérision. C'est une très bonne émission, le pas d'écoute, et c'est pour ça qu'on fait ça présentement. C'est parce que ça vaut quand même la peine d'écouter certains groupes, certains albums qui arrivent ici. Il y en a qui valent vraiment la peine d'écouter. Puis c'est ça qu'on fait présentement, là, tout de suite. En ce moment, là, c'est pas ailleurs, c'est pas sur notre station, c'est ici, à C'est Fou, 89.fm, dans les Palmarès, c'est fou. Moi, celui que j'ai écouté un petit peu tantôt, c'est Gliss. La formation Gliss avec leur album Devotion Implosion. C'est de l'alternatif. Je trouvais qu'il y avait des pièces qui avaient l'air très, très relax, là. Pas Evanescence, là, mais tu sais, presque. Genre qu'il y a bien du monde qui pourrait peut-être aimer ça. Hein, genre. Celle que j'ai choisie pour commencer est un petit peu plus beatée que ça. On vient avec la pièce 29 Acts of Love. Et c'est un groupe qui vient de Downtown Los Angeles. On parle un petit peu d'eux autres tantôt. D'accord. C'est Gliss qui commence maintenant et qui... Non, je ne fais pas de jeu de mots avec Gliss. Non, c'est un petit peu superflu. On enlève le superflu. I really, really want a good time. Formation Gliss et leur album Devotion Implosion. On vient d'entendre la pièce Sad Eyes, précédée de 29 Acts of Love. Gliss est un groupe de Los Angeles. Ils sont au gliss.tv. C'était une nouveauté qu'on a reçue cette semaine. Ah, c'est fou! On aime ça découvrir des nouveautés. On va continuer à le faire pour pas mal le reste de l'éternité. Ah, c'est fou! Mais particulièrement dans les palmarès, là. Ouais, c'est ça. Ça se fera plus dans le cadre d'une émission complète dédiée entièrement à ça. Mais c'est sûr que de toute façon, c'est fou. La station au complet se voue un peu à faire des découvertes, passer de la nouvelle musique. Donc, c'est sûr que vous allez continuer à entendre. De toute façon, les disques, on les reçoit pareil. Donc, c'est sûr qu'on ouais, exactement. Ils vont jouer à un moment donné à quelque part. Et on va juste changer le principe de peut-être les écouter avant de les faire jouer en ondes. Ce qui était le principe du post-écoute, de pas les écouter. Et de faire jouer seulement les meilleurs maintenant. Voilà. Donc, allez voir le www.unechance.com pour en savoir plus sur la fin du poste d'écoute. Tel qu'on le connaissait. Bon. Ce qui s'en vient à 20h le vendredi soir, c'est la dernière porte à gauche, Kiwan. Non? Oh oui, oui, oui, tout à fait, je vais être là. Tu vas être là, ben c'est ça. Avec plein de surprises. Bonne émission, Kiwan. pas préparé. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, Kiwan et moi et vous, les palmiers, pour les palmiers assez fous, toujours en direct les vendredis soirs à 17h. On rappelle les jeudis à 15h. Et là-dedans, il y a la capsule vidéo de la question. Donc, il faut être là vers les 18h15 le vendredi, 16h15 le jeudi. Soyez là pour l'émission complète, puis à un moment donné, vous rirez bien, hein? Hein? Assurément, hein? Vous rirez de quelque chose. C'est ça. Et puis, je vous retrouve à CNX, l'émission la plus geek de la radio. On parle de gadgets, de technologie, d'informatique, de jeux vidéo. C'est les jeudis matin à 11h. On va se quitter avec une pièce qui nous provient de l'album qui est en position numéro 6 du palmarès Loud. C'est la formation Black Label Society. Leur CD est Skullage. Et on va se quitter avec une pièce qui s'appelle Dead as Yesterday. Kiwan, oui. Quoi? Oui, non, c'est ça. Je disais que c'est assez rare qu'on fait jouer des pièces du Top Loud parce que l'émission ici se consacre pas vraiment à la musique loud, mais ça, on a choisi quand même une pièce assez tranquille de l'album Skullage de Black Label Society. En tout cas, elle a l'air tranquille. On va c'est pas vrai. Je niaise, on l'a écouté. Kiwan, je disais bonne émission. Oui, merci Mathieu. Les palmiers, bonne fin de soirée avec Kiwan et avec les lutins de l'enfer après ça à 21h. Si vous écoutez le jeudi, c'est La Spirale avec notre ami Mathieu Leblanc-Houle, donc soyez ouais. Là pour ça aussi. Et d'ici à la semaine prochaine, mais portez-vous bien, hein? Et écoutez de la musique. Faites comme nous. Hein? C'est ça. Bye bye. Bye. Palmarès C'est fou ont été présentés par Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan. It'll leave you with nothing to say. lost without a way. Ain't a funny child, love sometimes leaves you as dead as yesterday. Hoping to hold a hand for sunshine, like a child told a can I play. Never ever be alone, love will leave me feeling as dead as yesterday. Yeah. Shelter. Oh Lord, could you help me find some shelter?